Avant et après, écrit par Paul Gauguin, lu par Armen pour audiocité.net. À André Fontanet, Paul Gauguin. Premier chapitre. Ceci n'est pas un livre. Un livre, même un mauvais livre, c'est une grave affaire. Telle phrase du quatrième chapitre, excellente, serait mauvaise au deuxième, et tout le monde n'est pas du métier. Un roman, où cela commence-t-il? Où cela finit-il? Le spirituel Camille Mauclerc en donne la forme définitive. C'est entendu jusqu'à ce qu'un nouveau Mauclerc vienne à son heure nous annoncer une nouvelle forme. Prise sur le vif, la réalité n'est-elle pas suffisante pour qu'on se passe de l'écrire? Et puis, on change. Autrefois, je haïssais George Sand. Maintenant, George Honnête me la rend presque supportable. Dans les livres d'Émile Zola, les blanchisseuses comme les concierges parlent un français qui ne m'enthousiasme pas. Quand elles cessent de parler, Zola, sans s'en douter, continue sur le même ton et dans le même français. Je ne voudrais en médire, je ne suis pas du métier. Je voudrais écrire comme je fais mes tableaux, c'est-à-dire à ma fantaisie, selon la lune, et trouver le titre longtemps après. Des mémoires, c'est de l'histoire, c'est une date, tout y est intéressant, sauf l'auteur. Et il faut dire qui on est et d'où l'on vient, se confesser. Après Jean-Jacques Rousseau, c'est une grave affaire. Si je vous dis que par les femmes je descends d'un Borgia d'Aragon, vice-roi du Pérou, vous direz que ce n'est pas vrai et que je suis prétentieux. Mais si je vous dis que cette famille est une famille de vidangeurs, vous me mépriserez. Si je vous dis que du côté de mon père, ils se nommaient tous des Gauguins, vous direz que c'est d'une naïveté absolue, m'expliquant sur ce sujet, voulant dire que je ne suis pas un bâtard, sceptiquement, vous sourirez. Le mieux serait de se taire. Mais se taire quand on a envie de parler, c'est une contrainte. Les uns dans la vie ont un but, d'autres n'en ont pas. Depuis longtemps, on me rabâche la vertu. Je la connais, mais je ne l'aime pas. La vie, c'est à peine une division d'une seconde. En si peu de temps, se préparer une éternité. Je voudrais être un cochon. L'homme seul peut être ridicule. Jadis, les grands fauves ont rugi. Aujourd'hui, ils sont empaillés. Hier, j'étais du 19e. Aujourd'hui, je suis du 20e. Et je vous assure que vous et moi, nous ne verrons le 21e. À force de vivre, on rêve une revanche. Et il faut se contenter du rêve. Mais le rêve s'est envolé. Le pigeon aussi, histoire de jouer. Je ne suis pas de ceux qui médisent quand même de la vie. On a souffert, mais on a joui, et si peu que cela soit, c'est encore de cela qu'on se souvient. J'aime les philosophes, pas trop cependant, quand ils m'ennuient et qu'ils sont pédants. J'aime les femmes aussi quand elles sont vicieuses et qu'elles sont grasses. Leur esprit me gêne, cet esprit trop spirituel pour moi. J'ai toujours voulu une maîtresse qui fût grosse, et jamais je n'en ai trouvé. Pour me narguer, elles sont toujours avec des petits. Ce n'est pas à dire que je sois insensible à la beauté, mais ce sont les sens qui n'en veulent pas. Comme on voit, je ne connais pas l'amour, et pour dire « je t'aime », il me faudrait casser toutes les dents. C'est vous faire comprendre que je ne suis point poète, un poète sans amour. Et en cette raison, les femmes qui sont malignes le devinent, aussi je leur déplais. Je ne m'en plains pas, et comme Jésus, je dis, la chair est chair, l'esprit est esprit. Grâce à cela, pour quelques menues monnaies, ma chair est satisfaite, et mon esprit reste tranquille. Me voilà donc présenté au public comme un animal dénué de tout sentiment, incapable de vendre son âme pour une marguerite. Je n'ai pas été Werther, je ne serai pas Faust. Qui sait ? Les vérolés et les alcooliques seront peut-être les hommes de l'avenir. La morale m'a tout l'air d'aller, comme les sciences et tout le reste, vers une morale toute nouvelle, qui serait peut-être le contraire de celle d'aujourd'hui. Le mariage, la famille et un tas de bonnes choses dont on me corne les oreilles m'ont tout l'air de voyager considérablement en locomobile à grande vitesse. Et vous voulez que je sois de votre avis? Le couche-avec est une grosse affaire. En mariage, le plus cocu des deux est l'amant, ce qu'une pièce du Palais-Royal dit, le plus heureux des trois. J'avais acheté à Port-Saïd quelques photographies. Le péché commis, ab ores, chez moi, sans détour, dans l'alcôve, elle figurait. Les hommes, les femmes, les enfants en ont ri, presque tout le monde, enfin. Cela fut un instant et l'on n'y pensa plus. Seuls les gens qui se disent honnêtes ne vinrent pas chez moi, et seuls, toute l'année, ils y pensèrent. Monseigneur à confesse, dans maints endroits, se fit renseigner. Quelques sœurs même devinrent de plus en plus pâles, les yeux cernés. Méditez cela, et clouez visiblement une indécence sur votre porte. Vous serez désormais débarrassé des honnêtes gens, les personnes les plus insupportables que Dieu ait créées. À l'hôtel du père Thiers, ce fut un soir, la foule brisa les vitres. Le père Thiers illumina tant qu'il put la fenêtre et montra son cul. La foule ébahie n'osa envoyer un caillou dans le mille. D'ailleurs, avec les imbéciles, il n'y a pas à raisonner. Il n'y a qu'à dire « vous me faites chier ». J'ai su, tout le monde aussi, tout le monde le saura, que deux et deux font quatre. Il y a loin de la convention, de l'intuition à la compréhension. Je me soumets et, comme tout le monde, je dis « deux et deux font quatre ». Mais cela m'embête et cela dérange beaucoup de mes raisonnements. Ainsi, par exemple, vous qui admettez que deux et deux font quatre comme une chose certaine, qu'il aurait été impossible de faire autrement, pourquoi admettez-vous que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses? Ne serait-ce qu'un instant, Dieu n'aurait pu faire autrement? Drôle de tout-puissant! Tout cela dit pour parler des pédants. Nous savons et nous ne savons pas. Le Saint-Suaire de Jésus-Christ révolte M. Berthelot. En tant que savant chimiste, Berthelot a peut-être raison. Mais en tant que pape, voyons charmant Berthelot, que feriez-vous si vous étiez pape, un homme dont on baise les pieds? Des milliers d'imbéciles demandent la bénédiction de toutes les bourdes. Or, on est pape. Or, un pape doit bénir et satisfaire ses fidèles. Tout le monde n'est pas chimiste. Moi-même, je n'y comprends rien. Et peut-être que si j'ai jamais des hémorroïdes, j'irai intriguer pour avoir un morceau de ce Saint-Suaire afin de me le fourrer quelque part en conviction de guérison. Ceci n'est pas un livre. D'ailleurs, à défaut de lecteurs sérieux, il faut que l'auteur d'un livre soit sérieux. J'ai devant moi des cocotiers, des bananiers, tout est vert. Pour faire plaisir à Signac, je vous dirai que des petits points de rouge, la complémentaire, se disséminent dans le vert. Malgré cela, ce qui va fâcher Signac, j'atteste que dans tout ce vert, on aperçoit de grandes taches de bleu. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas le ciel bleu, mais seulement la montagne dans le lointain. Que dire à tous ces cocotiers? Et cependant, j'ai besoin de bavarder. Aussi j'écris au lieu de parler. Tiens, voilà la petite Veitoni qui s'en va à la rivière. Je la connais pour avoir remarqué une matière cornée qui remplissait l'antichambre. Cette bisexuelle n'est pas comme tout le monde. Et ça vous émoustille quand, piéton lassé, on se sent impuissant. Elle a les seins les plus ronds et les plus charmants que vous puissiez imaginer. Je vois ce corps doré, presque nu, se diriger vers l'eau fraîche. Prends garde à toi, chère petite. Le gendarme poilu, gardien de la morale, mais faune en cachette, est là qui te guette. Sa vue satisfaite, il te donnera une contravention pour se venger d'avoir troublé ses sens et par suite outragé la morale publique. La morale publique. La force des mots. Ô braves gens de la métropole, vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un gendarme aux colonies. Venez y voir et vous verrez un genre d'immondice que vous ne pouvez soupçonner. Mais d'avoir vu la petite Veitonie pensant à cette matière cornée, je sens mes sens qui battent la campagne. Je prends mes ébats dans la rivière. Tous deux nous avons ri sans feuilles de vigne et ceci n'est pas un livre. Troisième chapitre. Pour être d'accord avec mon titre avant et après, permettez-moi de vous raconter quelque chose d'auparavant. Le général Boulanger, vous en souvient-il, se trouvait à Jersey, en cachette. Or, en ce temps, c'était l'hiver, je travaillais au Pouldu, limite du Finistère, sur la côte isolée, loin, très loin des chaumières. Survint un gendarme qui avait ordre de surveiller la côte pour empêcher un soi-disant débarquement du général Boulanger déguisé en pêcheur. Je fus interrogé avec finesse, pressé dans tous les replis de mon individu, à tel point que, très intimidé, je m'écriai « Est-ce que par hasard vous me prendriez pour le général Boulanger ?» Lui, on a vu plus fort que ça. Moi, avez-vous son signalement ? Lui, son signalement. Je me le fourre quelque part, et que, subrepticement, vous vous foutez de moi, et que, conséquemment, je vous fous dedans. Moi, je fus obligé d'aller à Quimperlé m'expliquer, et le brigadier me prouva aussitôt que, n'étant pas le général Boulanger, je n'avais pas le droit de me faire passer pour un général et me moquer d'un gendarme dans l'exercice de ses fonctions. Comment, moi, me faire passer pour un général ? « Vous êtes bien obligé de l'avouer, me dit le brigadier, puisque le gendarme vous a pris pour boulanger. » Pour moi, ce ne fut pas de la stupéfaction, mais de l'admiration pour les grandes intelligences. Ce serait comme pour dire qu'on est plus facilement roulé par les imbéciles. Je ne veux pas qu'on me dise que je répète La Fontaine quand il parle du pavé de l'ours. Ce que je dis a un autre sens. Ayant fait mon service militaire, j'ai remarqué que les sous-officiers, voire même quelques officiers, se fâchaient quand on leur parlait français, pensant sans doute que c'était un langage soit pour se moquer, soit pour humilier. Ce qui prouve que pour vivre en société, il faut se défier surtout des petits. On a souvent besoin de plus petits que soi, pas vrai ? Il faut dire qu'on a souvent à craindre plus petits que soi. Dans l'antichambre, le larbin se trouve avant le ministre. Recommandé par un homme bien élevé, un jeune homme demandait une place à un ministre et se trouva bel et bien éconduit. Son cordonnier était le cordonnier du ministre. Rien ne lui fut refusé. Avec une femme qui jouit, je jouis double. La censure, pornographe, l'auteur, hypocritographe. D. Connais-tu le grec ? R. Pourquoi faire ? Je n'ai qu'à lire Pierre-Louis. Mais Pierre-Louis écrit bien le français. C'est justement pour cela qu'il connaît bien le grec. Mais les mœurs, cela vaut bien les écrits des jésuites. Digitus tertius, digitus diaboli. Que diable ! Sommes-nous des coqs ou des chapons ? Et faudra-t-il en arriver à la ponte artificielle ? Spiritus Sanctus. Ici, en ce pays, le mariage commence à mordre. C'est d'ailleurs une régularisation. Chrétiens d'exportation s'acharnent à cette œuvre singulière. Le gendarme remplit les fonctions de mère, de couple converti aux idées matrimoniales, tout de neuf habillé, écoute la lecture des lois matrimoniales, et le oui prononcé, ils sont mariés. À la sortie, l'un des deux mâles dit à l'autre « Si nous changions ?» Et très gaiement, chacun partit avec une nouvelle femme, se rendit à l'église où les cloches remplirent l'atmosphère d'allégresse. Monseigneur, avec cette éloquence qui caractérise les missionnaires, tonna contre les adultères et bénit la nouvelle union qui déjà en ce saint lieu commençait l'adultère. Une autre fois, à la sortie de l'église, le marié dit à la demoiselle d'honneur « Que tu es belle !» Et la mariée dit au garçon d'honneur « Que tu es beau !» Ce ne fut pas long, et couple nouveau obliquant à droite, couple obliquant à gauche, s'enfoncèrent dans la brousse, à l'abri des bananiers, où là, devant le Dieu Tout-Puissant, il y eut deux mariages au lieu d'un. Monseigneur est content et dit « Nous civilisons !» Dans un îlot, dont j'ai oublié le nom et la latitude, un évêque exerce son métier de moralisation chrétienne. C'est, dit-on, un lapin. Malgré l'austérité de son cœur et de ses sens, il aima une enfant de l'école, paternellement, purement. Malheureusement, le diable se mêle quelquefois de ce qui ne le regarde pas, et un beau jour, notre évêque, se promenant sous bois, aperçut son enfant chéri qui, nu dans la rivière, lavait sa chemise. Petite Thérèse, le long d'un ruisseau, lavait sa chemise au courant de l'eau. Elle était tachée par un accident qui arrive aux fillettes 12 fois par an. « Tiens, se dit-il, mais elle est à point. » « Je te crois qu'elle était à point, demandez plutôt aux 15 vigoureux jeunes gens qui le même soir en eurent les traînes. Au 16e, elle renacla. » L'adorable enfant fut mariée à un bedeau logeant dans l'enclos. Alerte et proprette, elle balayait la chambre de Monseigneur, classait les parfums. Au service divin, le mari tenait la chandelle. Comme le monde est vilain, les mauvaises langues jasèrent à tort assurément, et j'en eus la conviction profonde, lorsqu'un jour une femme archi-catholique me dit « Vois-tu ?» et en même temps elle vidait sans sourciller un verre de rhum, « Vois-tu, mon petit, tout ça, c'est des blagues. Monseigneur ne couche pas avec Thérèse, il la confesse seulement pour tâcher d'apaiser sa passion. » Thérèse, c'est la reine haricot. N'essayez pas de comprendre, je vais vous l'expliquer. Le jour des rois, Monseigneur avait fait faire chez le chinois une superbe galette. La part que Thérèse avait eue contenait un haricot, et de ce fait elle devint la reine. Monseigneur étant le roi, de ce jour Thérèse continua à être la reine, et le bedeau le mari de la reine. Calcha, vous m'entendez bien? Mais hélas, le fameux haricot a vieilli, et notre lapin très malin a trouvé quelques kilomètres plus loin un nouveau haricot. Figurez-vous un haricot chinois, grassouillet au possible, on en mangerait. Et toi, peintre en quête de sujets gracieux, prends tes pinceaux et immortalise ce tableau. Allez-en brûler, harnachements épiscopaux, notre lapin campé vigoureusement sur la selle, et son haricot dont les rondeurs devant et derrière seraient capables de ressusciter un chanteur du pape, encore une dont la chemise, vous savez, inutile de répéter. 4 fois ils descendirent de cheval, seule la vallée était en rut. La caisse de Picpus fut soulagée de 10 piastres. Voilà beaucoup de potins, mais ceci n'est pas un livre.